Les paysans d'éteindre le feu. Quand le premier régiment prolétarien passa par le village, une paysanne accompagnée de 3 jeunes enfants sortit d'une étable. Tout ce qui lui restait était un veau, et elle le donna aux partisans. Quand ils poursuivirent leur route, elle leur fit un bout de conduite et leur tendit, mais de manière à n'être vu des enfants, une poignée de farine, enfermé dans un linge qu'il portait dans son corsage. Garde-la, dirent-ils, tes enfants ont faim eux aussi. Prenez donc, dit-elle, faites une soupe bien épaisse, il faut que vous battiez l'ennemi. Je me repose 5 minutes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.